Chapitre 136. Saluez les enfants. 862. Anas radiallahu anhu rapporte qu'il passa à côté d'enfants et les salua avant d'ajouter « Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, agissait ainsi. » Al-Bukhari et Muslim.